انا في برضك الامن يا سيدي الهواري سلطان الغاري وش بني عبد الله سلطان العالية minuit 2 heures Rail Suprême c'est Rail Suprême sur Skyrock à partir de minuit pour Rail Suprême. On Skyrock.

c'est entre Mohamed Moussa et Abed. Trop fier d'être la fierté de mon bled. Salut au président, ça coule dans sang comme dans sang, puis en sang. J'ai juste la crosse en dansant, pensant au notre pays. Si avant l'âge du pays, ils veulent donner des ordres, y'a que les vendus qui obéissent. Dans les gardes, on s'éternise, on frappe à valet du khra. Nos réputations s'éternisent, c'est que des meurs qui font bras. Y'a pas le drap, pas ton délire, on t'admirer. Je m'énerve pas après, je m'en irai. Vivant, libé devant, garder l'espoir. Comme nos grands-pères en première ligne, on défend l'histoire. C'est un bizarre, l'écrit qui est en transe. Pour ceux qui quittent leur famille en sanglant, rentrent en France. Pour les tiers là-bas, et se confia, t'as un infini. Tu sais que le chef des chefs, il s'appelle Husni. Roberto, I'm a ruler. Oh, heaven, Skyrock. So sweet and fine, like I'm a ruler. She comes in the morning, I'm a ruler. Still have her in my night time. Gives me hangover, I'm a ruler. But I don't care, no. So smooth and clean, like I'm a ruler. Don't ever touch my I'm a ruler. Come up and dance to me. Fun out for the date. Round and round, 5 minutes a day. Just do my Connu dans tout Paris, elle en veut à mon mari.

Mas eu tô sempre no puta. Minha família só mete mão na cabeça, miúdo acorda. Se vocês querem me ver em casa, então me amarrem com corda. Essas horas não vou falar as neiras, xe. Que safoda. Pour notre Paris, moi l'île. Faut que les jaloux, j'y vois ma vie. À 11 ans, je dis ça à 20. Gardez, appétit. Parce que par la boule, je précise. Imbécile, fais pas loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gardez, appétit. Gardez, appétit, appétit. Gardez, appétit. Gardez, appétit, appétit. Chap, chap in a bando. I don't wanna look like you. My young nigga with a Rambo. You be getting jumped right through. Gotta have scrams in a block car, you know what a hood might do. Put my 150 niggas trap car, we don't wanna look like you. Chap chap in a bando, I don't wanna look like you. Chap chap in a bando, I don't wanna look like you.

Demande à Justin, on est toujours dans les temps. Mais peu importe si tu m'aimes, on te souvient au mon

Merci Skyrockers. Fais-moi confiance, elle s'en passe. Suprême sur Skyrock. Mix Party 2016. Skyrock. Let's Nasty Skyrockers. Dans le monde de la nuit, on faisait la folie. Obligé de faire des sous comme au Monopoly. Dans le monde de la nuit, on faisait la folie. Obligé de faire des sous comme au Monopoly. Et comme c'est pas la fête, y'a ceux qui seront régalés. Et puis y'a ceux qui seront assis dans le gare. Et comme c'est pas la fête, y'a ceux qui seront régalés. À ceux qui seront assis dans le car. En mode fiesta et piña colada, colada, colada. En mode fiesta et piña colada, colada, colada. En mode fiesta et piña colada, colada, colada. En mode fiesta et piña colada, colada, colada. Je brille au mille feux, all eyes on me. Et seulement sur Skyrock. C'est la Zermi, t'es coincé dans la gueule de sous l'exomile. T'as posé pour mille heures, mais t'es pas zombie. C'est pas la fête, y'a ceux qui seront régalés. Et puis y'a ceux qui seront assis dans le carré. Et comme c'est pas la fête, y'a ceux qui seront régalés. Et puis y'a ceux qui seront assis dans le carré. En mode fiesta et piña colada, colada, colada. En mode fiesta et piña colada, colada, colada. En mode fiesta et piña colada, colada, colada. En mode fiesta et piña colada, colada, colada. Ça dream dans la piscine, fais pas la difficile. On oublie nos soucis, t'es dépassé comme X. Les potos titubes en écoutant mon petit tube. J'suis posé dans le camp et j'arrive à l'habitude. Trop besoin de trop parler quand l'addition est salée. Pas de ceux qui vont râler quand la taille vaut un salaire. Ta goutte a vu chialer, elle vous a vu batailler. Cotiser à 16 pour une bouteille de vodka. Donc direction ma suite dans un gros bolide. D'être lâché sur le champ comme un brocoli. J'te raconterai pas la suite, je suis trop poli. Ce soir tout le monde est sur les champs pour un brin de folie. Et comme c'est pas la fête, y'a ceux qui seront régalés. Et puis y'a ceux qui seront assis dans le garé. Et comme c'est pas la fête, y'a ceux qui seront régalés. Et puis y'a ceux qui seront assis dans le gare. En mode fiesta et piña colada. Rail suprême. Rail suprême. Minuit, 2h. Sur Skyrock. En mode fiesta et piña colada, colada, colada. En mode fiesta et piña colada, colada, colada. En mode fiesta et piña colada, colada, colada. Et comme c'est pas la fête, y'a toujours ceux qui sont recalés. DJ Hamida. Vu que c'est pas la fête, on sera assis dans le carré. Je suis pas une liste pour gratter, je suis pas un suceur pour les flatter. Rail suprême sur Skyrock. J'ai de quoi quitter le quartier. Y'a pas nager si t'as pas pied. Il faut du booking, je fais des papiers. Je ne traîne plus sur les paliers. Je vais finir ma vie sous les paliers. Je veux pas les fourrailler. Arrêtez de me pousser à la folie. Skyrock, qui ne pense qu'à tousser le jackpot. Ce soir on va tout casser. Dans le vif, ils ont tout cassé. Pas de la cata pour tout casser. Camo Sauvaturier, t'as tout cassé. Hamida au platine, a tout cassé. Sous le poids au mic, j'ai tout cassé. Avec lui, c'est jamais assez. De Marrakech à Pattaya, on va tout casser. Sous le toit. Quoi, j'entends. C'est Rail Suprême. Skyrock. Sous ma droite, j'entends. Si t'as pas mon pote si t'as crafté. Ils veulent un tube, je les régaler. Dis ta Sylvanie, c'est pas recalé. Quand t'as les canardos, je vais m'en aller. C'est sûrement pas ma vie, je vais dévaler. Sortez Lyon-Mi, on sera calé. C'est trop une joie pour l'emballer. J'ai plus le temps de chialer. Sa bise, j'ai trop roulé ma bosse. La 10, on sera salé. Plus de balles, on en met des coups de crosse. Un feu soir, on va tout casser. Dans le film, ils ont tout cassé. Parti sur la table pour tout casser. Car monsieur Vaturier, t'as tout cassé. Amiga au platine, a tout cassé. Reçu le toit au mic, c'est tout cassé. Avec nous, c'est jamais assez. De Marrakech à Pattaya, on va tout casser. On Skyrock. Mon poteau, tu te fais du sale, tu te fais du sale. Habitat dans la sonne, de la plage au club, tu plains. Ce soir, tu plains. Payé à cause d'alcool, la soirée est presque finie. J'ai besoin. J'ai besoin d'air. Claquer la porte, partir et jeter la clé. J'ai besoin d'air. Couper mon fun et me barrer tous les jours. Rail suprême. Minuit, 2h sur Skyrock. Passe mon pas, c'est maudit. J'ai mis les bagages dans l'audit. Je vis sous le ciel gris de Paris. Mais je veux la même vue qu'à Bali. Le quotidien m'a rendu écrit. Donc je démarre la caisse. Les vitres et les lunettes fumées au feu rouge. Donne toujours une petite pièce. Je débranche mes gars. Casse la tête dans le sud de l'Espagne. Je pourrais faire la sieste. Ne m'appelle pas, je réponds plus. Un peu de weed, un peu de thune. Je suis frais, je me fais bronzer les plumes. Je coupe le son et l'image. Je fais un bisou au village. Dis là que j'ai pris le large. Je me suis déconnecté. À la Bronx party. Au Mexique, cheveux bruns, yeux marrons, laissez-moi danser comme David. Faut une Bentley pour le daron et une villa pour l'Alida. Ouais, Mida, ouais, Reda, mec, mes salgés dans le bédin. Dans mes concerts, c'est la guerre. Y'a plus de sterre qu'à Meda, y'a plus de sterre qu'en Irak. J'fais plus d'oseille que Chirac, j'accélère dans le virage. Faut que les jaloux garage, faut que le loto et son tirage. On compte que sur le coronet, moi c'est Mister Younes, ça t'aime pas les vrais me connaissent. 30 litres de Khalidala dans ma valise. Mandalise de Nice, cette fois, j'en s'organise. Y'a de la CC, de la pile, d'y a d'hamburger et des serrures, t'inquiète. La sortie, c'est sûr, même si la prison c'est rude. Y'a de la deux, de la loup, y'a de la rouge et de la chalba. Du pilote, la rappelant, un big rap et le rollba. Y'a pas de matelas. Sable Khairan, oh non, moi j'suis pas de cela. J'suis dans la feu-plat, car ça tu connais le feu-plat. Les jaloux sont de partout. J'ai la famille, les amis, et même j'suis partouche. Au 4000, ton fils a mis la cartouche. On a ton permis tranquille ou on tourne en babouche. 2016, on va les traumatiser. J'vois jamais mes faits comme si je disais. Ils trouvent tu bon, mais c'est pas ce qu'ils se disaient. Aujourd'hui, ils sont tous prêts à miser. Joséphine va peiner, vu que le représentant est chaud. T'as le gagné mystérieux dans la cellule, on a le réchaud. Mais la personne pécho, cette année on va qu'échaud. Mix party 2016, frérot, balance le show. Pas de temps, c'est pas le vertige, c'est pas la paix. a trop de style, t'as la haine, on a percé dans le textile. T'es pas la haine, t'es pas la haine. Et tu détestes, t'es qui, t'as la haine, t'attends toujours qu'il t'écrit. C'est pas la peine, c'est pas la peine. C'est pour celle qui bouge avec elle, tu m'écoutes, pas ce son, t'as le vertige, c'est pas la peine. Ma musique fait sauter la foule, fait danser les fous. Pour nous c'est la tôle, la flingue ou téléfoot. Pour le prestige, découpe ça sur un 12. Ramène ton équipe, on fait ta dé. DJ Hamida, on a tout ce qu'il faut pour nous mettre bien, n'en fais pas trop. Si la vita, on a tout ce qu'il faut pour nous mettre bien, n'en fais pas trop. C'est pour celle qui bouge avec elle, tu m'écoutes. Parce que ton état le vertige, c'est pas la peine. Mec de Casanegra, je suis sur la côte avec un V6, braquet rabat, rayon de soleil, Hamida dans le poids. On a pas sommeil, mais ta valise dans le corps. Marrakech, Waharan, Hemembet. Choisir, de toute façon c'est la même. Soit ça swing et go tag, on fait la guerre. Bah ouais, je prêche, bébé, attends, on fait la paix. Soit c'est danger, danger, danger. Ma gueule, c'est pas, je reviens tous les influencer. 93 et puis une ville tanneuse. Au cas, ça bouge de danse, à la seule vapeur. Soit je suis dans le club, et go, lève ton verre. Nique où ta tête. Pour les keufs, y'a pétage. Darbeda, California love. Roule un pétard, elle fait crier la love. Pas de Renzette, ni des skinny à ma table. Chamon pour mes beurres et bouillons sur mes sables. Fais pas style, tu nous connais, ton équipe se trappe. Tu seras jamais un gros bonnet, ton équipe te masque. Pour mes oranais et mes Tunsi. On n'est pas mauvais comme les Latravelsi. Sœur du match ou Henou dans mode rapy. Marocain à la moitié, t'as et MC. Passe de bonnes vacances. C'est Rail Suprême sur Skyrock. Mais tu ne t'envolais pas d'heure, pas de game. On va tout claquer. Mon équipe est préparée. T'inquiète, on va aller. Les boîtes, les chichas, tout cramer. Résrer cette guerre, on sera validé. Tranquille la life, maintenant c'est tout et Marrakech. Tranquille la life, maintenant c'est tout by Marrakech. Prends ton billet en balle, rejoins-nous que si t'es fraîche. Je sais que tu m'as kiffé. T'aimerais t'en épouser. En fait, bébé, je pourrais pas me poser. Tu Nasty style rocket.

et profiter du sunshine. Faut pas me prendre la tête. Paris, bye bye. J'm'envole pour Hammamet. Tout cache avec les size-size. Fuck la coke, les ambiances bizarres, les délires de travelo. T'arrives bizarre, là où je vais, pas besoin de visa. Pas de Youssef Makhdoum, qui se maquille le visage. Hey, hey, hey, hey. T'es devenu sexy, toi tu vas plus au bled, non tu vas au Mexique. Ok, salut, Inch'Allah que t'attrapes le palu. Tu m'allumes, mais t'es pas taille. Pas le mec Nancy style. Chérie, approche qu'on s'enjaille. Souviens-toi l'été dernier. Tu m'as kiffé sur on fait les bails. On fait les bails, fait les bails, fait les bails. On fait les bails. T'es fou rail, danse pour moi le vai vai. Je te dirai bye bye. Allez monte avec moi. J'ai le fait. Ça chauffe dans ma tête. L'artiste Purple Money, DJ Hmida. J'ai mis coup de fil et lila. Alta, tu sais rouille. Ta belle et chante la compagnie. DJ Hmida, fle parti. J'ai mis coup de fil et lila. Alta, tu sais rouille. Twitter, aspirateur, puis mon Swiffer, surfeur, comme le blond dans Gad, petit pas de danse comme Michael dans Bad, wesh les camarades, on s'évade, l'album arrive, hit parade, danse en gêne, si t'as du swag sur la piste, on t'emmène, danse en gêne, c'est le son que t'aimes, l'album arrive, demande à double M, ils sont polo, polo, polo, j'fume plus d'herbe, j'suis plus trop écolo, fuck les gigolos, les cougars en aide hardy, on fait la fête même le mardi, on fait les et on recommence, on fait les balles, et on recommence, on fait les balles, l'album arrive, on fait les balles, des fourrailles, danse pour moi le vai-vai, où j'te dirai bye-bye, allez me avec moi, t'es avec un losa. J'ai le flow du rockman, le flow d'Esta Rosa. Yeah. J'ai eu comme une vision, la belle m'a choqué. On a tout ce qu'il faut là où il faut. J'ai cherché la collision, mais je suis resté bloqué. Non, je n'ai pas dit mon dernier mot. Elle a tout ce qu'il faut, elle a aucun défaut. Je vais pas finir solo. Ma baby, quand tu marches, c'est ton corps qui part. T'as quelque chose de spécial qui rend l'âme animale. Je sens l'instant bestial. Je veux tenir l'officiel. Faites de la place. Faites de la place. Faites de la place. Un gros lac, trop de mouvements. Le terrain. Ça c'est pour les petits. Moi je suis Christopher Columbus. Aucun con ne t'a conquis. Je vais te grailler comme un cookie. Toutes tes copines c'est des bookies. Je suis avec Amida et Touki. T'es content de une looping. Elle a tout ce qu'il faut. Elle a aucun défaut. Je veux pas finir solo. Elle m'a rendu loco. je vais devenir officiel. Faites de la place. C'était des bêtises, pardon. Tu as du culot pour venir par ici. Regarde ça. Et toi tu crois que pour toi ça arrête. Rail suprême. Rail suprême. Minuit, 2h sur Skyrock. Ferme les yeux, c'est l'été. Ou fais comme si tu y étais. Hey, wa papicha. Faut pas t'inquiéter. Dis-moi comment tu vas. Depuis remettez. J'suis super refait. Comme un vice des. Passe de bonnes vacances. C'est Rail Suprême sur Skyrock. Jamais. Kelma wahda, jamais nous l'eau. Skyrock. Emilia. 100% d'aoué, rahé naïda. De Tunis à Tanger, je traîne à Capritou, pas très loin d'Alger. Mido fait nous rêver, au fond du club je suis collé. Eh mamma mia, je suis avec un air japonais. Willy, Willy, Willy, Willy. Rouillé ou les deux trabendo. Jamais, jamais, jamais, jamais. Il met wahda, jamais nous l'eau. Emeli, Emeli, Emeli, Emelia. 100% d'Awera, Henaïda. Emeli, Emeli, Emeli, Emelia. 100% d'Awera, Henaïda. Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, Sam, كنتي عندي كلك شان وقيمة اليوم تبدلت يا ما بقيتي صالحة لينا وراكتي عندي كلك شان وقيمة تبدلت يا ما بقيتي صالحة لينا اش داني ليك واش داني ليك اش داني ليك ما انتي ليا ما انا ليك واش داني ليك واش داني ليك واش داني ليك ما انتي ليا ما انا ليك اشتاني ليك اشتاني ليك اشتاني ليك ما تسيلي يا من يليك واشتاني ليك واشتاني ليك اشتاني ليك ما تسيلي يا من يليك اشتاني طبق يا فيك ليا بشغرات ولبن شغرات والحلام اشتاني طبق يا فيك ليا شغرات ولبن شغرات De bonnes vacances. C'est Rail Suprême sur Skyrock. Baking soda, I got baking soda. Baking soda, I got baking soda.

Rail Suprême, minuit, 2h, sur Skyrock. Rail Suprême, sur Skyrock. Mais je suis sur la côte, y'a pas de blême. T'as du soleil et des nanas. Aucun videur peut me dire nanana. C'est chaud, voilà qu'avec lui c'est chaud. Sur la table pour tout casser. Comme ce voiturier t'as tout cassé. Amiga au platine. La banlieue est sortie. Grosse table au carré vide. Y'a des bonnes meufs et du pif. Oula la la. Oula la la. Oula la la. Rail Suprême. Oula la la. Rail Suprême. En mode c'est ça et pina colata. Colata, colata. En mode c'est ça et pina colata. asphalte. J'ai ma voiture et ta crédit, papier et cash. Que je vends sur la destination de mes voyages. Trouver autre chose à faire. Et je vois vos langues pendent toute la journée. Tu me connais pas, tu fais que me juger. Celle-là c'est pour moi, je vous paye ma tournée. Faites une pause et laisse-les parler. Et dès comme hiver, je vais snapper, snapper, je lâche pas l'affaire. Tu vas jacter, langue de vipère. Je ne vends pas de rêve, pourquoi me jalouser? Rien de mal, je fais que m'amuser. Mix party 2016, la fusée, suis-moi, je m'envole. Et laisse-les parler, laisse-les parler. Oui, laisse-les parler, je sais ce que je vaux, donc laisse-les m'envier. J'ai dit, laisse-les parler. De la casse, on connaît le DJ, l'ambiance de la casse. Jeffrey, ouais, remets-nous de la glace. C'est pas simple comme jamais, mais comme dernier de la classe. À ma table, que des fennecs et des lions de la classe. On connaît le DJ, c'est lui qui ralasse. Le patron, ça nous a fait comme des stars. DJ Hamida veut régler ça à coup de chlasse. Et comme d'habitude, ça va finir chez les stars. J'ai dit je connais le DJ. Ils m'ont collé, oui comme la petite. On connaît le DJ, allez. On connaît le DJ, allez. On connaît le DJ, nouveau Melka, je vous passe le Salem. Allez, envoyez Mathusalem. Mais allez, change ta. J'ai dit je connais le DJ. Ils m'ont collé, oui comme la petite. Wesh khoya Amel. Khoya Abba. Men Amsterdam el Paris khoya. Bruxelles. خطيرة ما غنعسوش يلاه بوج تحركو جو مان فو بريك التين تاف خابي دا تسوا تيك تو ها صحاب بايبا اي مال حبيبك موت ايتا هونغر سخروت مو بوت موت بفايخة ستيل ستاريس غير نوبتي بانتك موت ليفا تشيك تو وان تو سوغ لا تيت دو ما ميغ سي بوغ توز توت لا نوي فرحانين واش معنا اليوم ابا امير وحميدة معاكم يلاه وعلى وين

de bonnes vacances. C'est Rail Suprême sur Skyrock. Hakim, Najin. Me tera haire خدوا لي شبابي خدوا لي حلامي حرموني حلاوة صغر